sparadrap. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin. Nous sommes le 26 novembre et nous souhaitons une bonne fête aux Delphines, ça vient du latin dauphin. Sympathique, généreuse, Delphine a beaucoup de personnalité et adore se trouver sur le devant de la scène. Soucieuse de son image de marque, aristocrate dans l'âme, elle a le sens de l'honneur, du beau geste. Elle ne passe pas inaperçue et c'est ce qu'elle veut. Jouer un rôle, avoir un public, être admirée, regardée ou bien donner l'exemple sont des situations qu'elle prise au plus haut point. Active, dynamique et entreprenante, Delphine est courageuse et même si elle est sensible aux autres, elle n'en demeure pas moins profondément individualiste. Sa volonté est forte ainsi que sa détermination et cela lui permet d'atteindre ses objectifs. Elle sait ce qu'elle veut et a tendance à viser haut. Son idée la pousse à se dépasser, à se surpasser. Si elle n'est pas toujours tolérante et pardonne difficilement leurs erreurs aux autres, elle ne s'épargne guère non plus. Elle ne se permet ni faiblesse ni échec. Elle déteste d'ailleurs la médiocrité ainsi que la vulgarité, n'apprécie que la beauté, la pureté, la noblesse. Vivre pour elle, c'est s'identifier à son idéal et s'éprendre de ce qui élève. Pardon. Delphine a un jugement sûr et des facultés de synthèse importante et des dons pour gérer, organiser, administrer. Mais c'est aussi une femme sensible, profondément intuitive et émotive, même si cela n'apparaît pas toujours de prime abord. D'une part, d'elle-même délicate, la porte à rêver ou à s'intéresser au domaine des émotions, des sensations, de l'art ou de l'irrationnel. Dicton du jour à la Sainte Delphine, mets ton manteau à pèlerine. Pas de célébration internationale aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est passé un 26 novembre en 985, c'était la fondation de la ville de Montpellier et en 1865, Lewis Carroll publiait Alice au Pays des Merveilles. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec Tina Turner et le tube Simply the Best. You come to me. Play the Best, Tina Turner sur RGM, un peu plus de 8h38. Et il est temps pour nous de parler, eh bien, anniversaire. Ils sont nés un 26 novembre 1939, naissance de Tina Turner, chanteuse américaine. 1945, naissance de Daniel Davis, acteur américain, vu à la télé dans Dynasty, Star Trek La Nouvelle Génération, Une Nounou d'Enfer dans le rôle de Nils, Ugly Betty, Gotham ou encore Blacklist. 1961, naissance de Marcy Walker, actrice américaine, connue pour son rôle de Lisa Colby Chandler dans la série La Force du Destin et son rôle d'Eden Capuel Castillo dans Santa Barbara. 1966, naissance de Garcelle Beauvais, actrice haïtienne américaine, vue dans le film White House Down dans le rôle de la Première Dame, dans Spider-Man Homecoming ou encore la série télé NYPD Blue dans le rôle de Valérie Haywood. 1973, naissance de Peter Facinelli, acteur américain vu dans Le Roi Scorpion, dans la saga des Twilight, hein, dans le rôle du docteur Carlyle Cullen, dans la série télé Fastlane, dans le rôle de Donovan Van Ray, dans Supergirl, dans le rôle de Maxwell Lord ou encore SWAT, la série. 1975, naissance de DJ Khaled, DJ producteur américain, notamment connu grâce au titre I Am The One, en featuring avec Justin Bieber, Lil Wayne ou encore Chance the Rapper. Si comme ça ne vous dit rien, eh bien on va écouter un petit extrait. The truth, the money never lie, no, I'm the one, yeah, I'm the one, early morning in the dawn, no, you wanna ride now, I'm the one, yeah, I'm the one, yeah, hear you sick of all those other imitators, don't let the only real one intimidate ya, see you watching, don't run out of time now, I'm the one, yeah. And hopscotch. You the one to hold me down when the block's hot. I make your dreams come true when you wake up. And your looks just the same without no makeup. Had to pull up on your mama, see what you made. Voilà pour l'extrait du titre donc de DJ Khaled. On continue les anniversaires et on va rester en musique puisqu'en 1981 c'était la naissance de la chanteuse britannique Natasha Bedingfield, connue pour le titre This World, dont on écoute tout de suite un extrait. These words are my own. Threw some chords together. The combination D E F is who I am, yeah. Is what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration. But it's not coming easily. Trying to find the magic. Trying to write a classic. Don't you know? Voilà pour l'extrait de Natasha Bedingfield. On continue les anniversaires. 1983, naissance de Chris Hughes, homme d'affaires américain, cofondateur du célèbre réseau social Facebook. 1986, naissance de Boyk Mollema, cycliste sur route néerlandais, qui a remporté le classement par points du Tour d'Espagne en 2011, le prix de la combativité du Tour d'Espagne 2018. Il a remporté deux étapes sur les grands tours, une sur le Tour d'Espagne et une sur le Tour de France. 1986, 1988, naissance d'Arthur Vichot, cycliste sur route français, champion de France sur route en 2013 et 2016. 1990, naissance de Rita Ora, chanteuse et actrice britannique, apparue dans Fast and Furious 6 et dans la trilogie des 50 nuances de Grey dans le rôle de Mia Grey. 1996, naissance de Louane Emra, chanteuse et actrice française, elle qu'on avait découverte hein, dans l'émission The Voice, eh bien elle fait son petit bonhomme de chemin avec donc la musique mais également le cinéma puisqu'on a pu la voir dans La Famille Bélier dans le rôle de Paula Bélier, récompensée par le César du meilleur espoir féminin, Nos Patriotes dans le rôle de Marie, ainsi que dans le film Les Affamés sorti en juin dernier dans le rôle de Zoé. En 2004, décédait Philippe de Broca, réalisateur français à qui l'on doit Cartouche, L'Homme de Rio, Le Magnifique, Le Bossu ou encore Vipère au Poing. Et en 2008, décédait Christian Fechner, producteur français du Grand Bazar, de La Moutarde me montonnait, Les Bidas s'en vont en guerre, L'Aile ou la Cuisse, La Zizanie, Lava, Viens chez moi, j'habite chez une copine, La Soupe au Chou, Ma femme s'appelle Revient, Papy fait de la résistance, Les Frères Pétards, Les Enfants du Marais, La Tour Montparnasse infernale, Chouchou ou encore Les Bronzés 3, Amis pour la vie. Allez, nouvelle pause musicale avec Rita Ora, le titre For You en featuring avec Liam Payne, bande originale du troisième volet de 50 nuances de gris. Been waiting for a lifetime for ya. Been breaking for a lifetime for ya. Wasn't looking for love till I found you. Hold my knife for love till I found you. Oh. Skin to skin, breathe me in. Fill with your kiss on your lips. I'm made of ecstasy. I'll be yours. Waiting for a lifetime for you. Rita Ora, Liam Payne avec le titre For You sur le 107 FM. Presque 8h49, on parle météo. La météo. Alors aujourd'hui, ce sera principalement nuageux, même si de la pluie est à prévoir pour cet après-midi. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés cet après-midi. Mardi, ce sera le reste de pluie avec une journée nuageuse. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 4 et 5 degrés l'après-midi. Et pour mercredi, on devrait avoir le retour de quelques éclaircies. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 4 et 5 degrés prévues pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on a beaucoup de choses à dire en ce lundi matin et on va tout de suite commencer avec le tennis et la Coupe Davis qui vivait ce week-end et bien ses derniers instants. Hein, c'était la dernière sous cette forme après 118 ans d'existence. Et bien voilà, c'est la fin de la Coupe Davis qu'on aime tant avec des supporters qui mettent l'ambiance comme on a pu vivre d'ailleurs tout ce week-end. Dans le Nord, et bien donc voilà, ça se termine ainsi. Et malheureusement, cette dernière Coupe Davis ne sera pas française, puisque les Bleus se sont inclinés 3-1 face à la Croatie. Le point français a été ramené par le double, hein, Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert samedi après-midi, qui a redonné un petit espoir à l'équipe de France. Mais dimanche après-midi, Lucas Pouille n'a rien pu faire face à Marin Cilic, même si le Français a bien tenu, notamment dans le premier set, hein, où il s'est d'ailleurs incliné au tie-break. Mais voilà, le Croate numéro 7 mondial a pris le dessus sur le Français Marin Cilic, qui offre donc la deuxième Coupe Davis de l'histoire à l'équipe de Croatie. Il y avait de l'émotion, hein, bien évidemment, ce week-end à Lille. Lucas Pouille a d'ailleurs déclaré: l'an dernier, je pleurais de joie. Cette année, je pleure de tristesse. C'était mon dernier match de Coupe Davis. Yannick Noah, lui, a déclaré: ce retour dans le tennis, ça a été 3 années de joie. J'ai découvert un nouveau monde. Le tennis a beaucoup changé depuis 20 ans. Je suis arrivée en tant que capitaine. Je repars avec beaucoup d'amis. Pour moi, le tennis de compétition, c'est fini. Hein. Je vous le rappelle, ce sera Amélie Mauresmo, hein, le prochain capitaine de cette équipe de Coupe Davis. Sous quelle forme, enfin avec quel joueur, hein, puisque je vous rappelle quand même que les joueurs français sont pour beaucoup d'entre eux contre cette nouvelle réforme de la Coupe Davis. En tout cas, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Allez, on va parler des autres résultats de ce week-end avec handball féminin, les résultats de Golden League, pardon. Samedi, victoire de la France face à la Hongrie 19-18, mais hier les Français se sont inclinés 21-23 face à la Norvège. Un mot de rugby avec le match France-Fidji. Grosse déconvenue, hein, pour l'équipe de France qui s'est inclinée 21-14 face aux Fidjiens. Un mot de biathlon avec tout d'abord les messieurs, et vendredi le sprint a été remporté par Fabien Claude qui a donc pris le dessus, hein, sur Simon Fourcade, 3e. Fabien Claude rejoindra donc, hein, l'équipe de France en Coupe du Monde. Ce sera officialisé ce lundi. Simon Fourcade, on le retrouvera en IBU Cup. Et côté féminin, victoire vendredi d'Enora Latuyère devant Célia Emonier. Toutes deux iront en Coupe du Monde. Un mot de football avec les résultats de la Ligue 1. Lyon s'est imposé 1-0 face à Saint-Etienne. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 face à Toulouse. Monaco, première victoire de Thierry Henry, 1-0 face à Caen. Dijon et Bordeaux fait match nul 0-0. Nantes et Angers match nul 1-1. Reims s'est imposé 2-1 face à Guingamp. Nîmes s'est imposé 1-0 à Strasbourg. Montpellier et Rennes ont fait match nul 2-0. Nice s'est imposé 2-0 face à Lille. Lille et Marseille peut dire merci à Florian Thauvin et grâce à lui ils se sont imposés 3 buts à 1 à Amiens. En Ligue 2, victoire de Nancy face au Red Star, 1 but à 0. Ce soir, Metz reçoit le GFC Ajaccio. En National 2, défaite d'Épinal 2 à 0 face à l'équipe de Belfort. En National 3, défaite de Raon-l'Étape face à l'équipe 2 de Nancy, 2 buts à 1. Et Thaon-les-Vosges s'est imposé 3 buts à 1 face à Amnéville. Un mot de basket, en Pro B, défaite de Nancy à Lille 74 à 70. En National 1, défaite du Jet Vosges à Récy-Saint-Martin 74 à 79. En National 3, victoire de Mirecourt face à Marne-la-Vallée 70 à 67. Des nouvelles de Joachim Noah, dont on n'entendait plus beaucoup parler. Eh bien, on a appris ce week-end qu'il allait s'engager avec le club de NBA de Memphis. Un mot de hockey sur glace avec les résultats de la D3 où les Spinaliens ont dû garder leur sang-froid face à Champigny-sur-Marne avec un arbitrage pas forcément cohérent pendant toute la rencontre. Mais les Spinaliens se sont imposés 5 buts à 1. Un mot de patinage artistique avec Papadakis et Cizeron qui ont battu ce week-end leur record du monde et ont gagné le trophée de France. Un mot de cyclocross samedi à Golbey, victoire de Steve Chenel. Et on termine avec de la Formule 1, le Grand Prix d'Abu Dhabi. Victoire d'Hamilton devant Vettel et Verstappen. Romain Grosjean se classe 9e et Gasly et Ocon n'ont pas terminé. Ils se sont classés 16e et 17e. Voilà pour l'actualité sportive de ce lundi matin, bien chargé. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec la chanteuse Louane et le titre « Si t'étais là ». Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, cette aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Si on a peur que je tienne pas le coup, je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Si t'étais là, Louane, sur RGM, presque 8h58, et c'est déjà donc l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera durablement vôtre. À 11h, la maison familiale d'Elvillier. À midi, exceptionnellement, Lina sera absente aujourd'hui. Elle devrait revenir avec nous la semaine prochaine. 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, salut les 60 avec Gérard. 18h, l'heure heures des loups consacrés à Evelyne Gallet, 20 heures le calendrier de François, et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.